Le grenadier de la belle neuvième. Mon grand-père maternel, le grand-père de votre bonne Perrette, mes enfants, était né en Provence, et c'est pourquoi je vous raconte quelquefois des histoires de ce pays-là. Il lui manquait un peu de taille pour être ce qu'on appelle un bel homme, mais il était bien tourné, joli comme une poupée, adroit de la parole et des mains, et gai comme personne ne l'est dans les contrées où il pleut souvent. La misère pourtant ne lui avait pas manqué. Il aimait, sur le tard de sa vie, à nous répéter ce qui lui était arrivé au temps de la Révolution, lorsque les levées de soldats, chose nouvelle alors, l'amenèrent brusquement, lui, homme de la plaine chaude, gardeur de moutons et de chevaux, sur la grande montagne nommée le Mont Cenis, qui regarde le pays italien. Là, des détachements de l'armée de Kellermann campaient dans la neige et la boue, mal abrités dans des fortins construits à la hâte, et attendaient l'ordre de se jeter sur la terre promise. Vétérans des anciennes armées, volontaires, recrues, ils parlaient tous les patois de France, et juraient dans tous les dialectes contre le froid, l'abandon où on les laissait, et l'ordre de descendre qui ne venait pas. On les habillait comme on pouvait. Ils avaient des cheveux de toutes les coupes, et on voyait encore des gradés qui les portaient en cadenette, comme au temps du roi Louis XVI. Deux compagnies, l'une de fusillés, l'autre de grenadiers, habitaient depuis 6 mois la montagne, lorsque mon grand-père dut les rejoindre. La garnison n'était pas enviable. Des taudis en maçonnerie et en planches occupaient, à plus de 1000 mètres en l'air, l'extrémité d'une pointe de rocher. Un petit champ de manœuvre les séparait de la pente formidable où cette saillie étroite était soudée, comme une verrue. Pour horizon, du côté de la montagne, une muraille pierreuse, éboulée par endroits, sans herbe, au flanc de laquelle un chemin s'élevait en se tordant. De l'autre côté, un gouffre, une plaine tout en bas qui paraissait petite et qui se ramifiait et aboutissait à des couloirs sombres, à des vallées hautes couvertes de prés et que dominaient des cimes lointaines. Les soldats disaient que c'était la route d'Italie. Ils le savaient pour l'avoir regardé chacun pendant bien des heures. Aucune vie en dehors du campement. Aucun mouvement et aucun bruit d'homme ou de troupeau. Tout le monde avait peur des Français, même en France. Eux, ils s'ennuyaient. Quand un aigle volait en rond à l'heure de l'exercice, la garnison levait la tête. Or, un jour d'avril, une file de nouveaux soldats monta là-haut. Ils arrivèrent le cœur gros, épuisés de fatigue, étonnés douloureusement de la rudesse des sous-officiers qui conduisaient la colonne et de la morne tristesse de l'Alpe sans forêt. Jean Mérargues, mon grand-père, par erreur peut-être, avait été affecté à la 9e compagnie, qui était celle des grenadiers, presque tous vieux soldats, et fier d'avoir déjà fait la guerre et pillé des villes. Quand il entra dans le terrain de manœuvre tout boueux, piétiné, balayé par la bise, le sergent de l'escouade le présenta au sergent Bourrieux, et, riant dans sa barbe, « Sergent, une recrue pour vous. Vous revient-il, celui-là ? » Le sergent se trouvait au milieu d'un groupe d'hommes qui l'écoutaient avec des rires d'approbation. Il se tourna, épais sous ses habits bleus, ses fortes jambes gonflant ses guêtres blanches, le bonnet à poils sur l'oreille. « Ça, pour moi ?»« Oui, sergent. » »« En voilà un freluquet. Est-ce que tu sais marcher sur la neige, mon garçon ?»« Non, sergent. » »« En as-tu même vu de la neige ?»« Non, sergent. » « Eh bien, tu en verras. D'où es-tu ?»« De la Camargue. » Le sergent considéra un moment le petit conscrit pâle, les yeux vifs, la moustache noire toute fine, cambrée dans sa veste courte et maigre de la maigreur nerveuse des gens du midi. « Tu en as bien l'air. À l'habillement. Et filons. Je t'apprendrai le métier, va. Et si tu ne t'y mets pas... » Il se retourna vers les hommes en haussant les épaules. « C'est dégoûtant tout de même d'envoyer des hommes comme ça aux grenadiers, un air de danseur. » Les autres approuvèrent et déclarèrent que le recrutement n'y entendait rien. Le sergent Bourrieux n'était pas un méchant homme, mais sa double qualité de montagnard et de gradé lui donnait à ses yeux une importance considérable. il n'aimait ni les gens maigres, ni les gens de la plaine. Au retour des marchés ou des manœuvres, il ne manquait jamais de dire qu'il recommencerait volontiers l'étape. Sa force était proverbiale, et aussi la haine qu'il portait aux Piémontais. Le soir tomba vite. L'ombre des pics éloignés ensevelit le fort, et, sur le menu triangle si haut perché dans les airs, il n'y eut plus d'autre signe de vie que la lueur de la lanterne du poste, veillant au pied de la falaise noire. À cette même heure, les sentinelles postées sur les remblais, en se penchant au-dessus du vide, n'auraient aperçu dans la vallée aucun feu de chalet ou de ferme. Seuls, très loin, des petits points rouges semés dans les montagnes rappelaient la position des troupes piémontaises. Les étoiles criblaient le ciel. Mérargues, après avoir passé une heure à contempler cette ombre que traversait le vent glacé venu d'Italie, une heure rapide et la meilleure de la journée, parce qu'il était libre d'être triste et de se souvenir, se leva en hâte à l'appel d'une sonnerie de clairons. Par une ruelle, entre deux casemates, il se faufila. Les fenêtres avaient des reflets tremblants. En approchant de sa chambre, il entendit des rires. Les hommes, groupés autour de la table, examinaient un objet qu'ils se passaient de main en main. « C'est à lui, ça ?»« Oui, figure-toi, trouvez-la, dans le portefeuille, entre deux chemises. »« Une écriture de femme. »« Bien sûr, tu vois, un papier à fleurs. » »« Encore, si c'était une lettre, dit le sergent d'un air de suffisance, je comprendrais. » Je puis dire que j'en ai reçu des lettres et de bien des écritures, que vous tous ici, vous ne liriez pas. Mais ça, une page de prière, ah bien non, c'est la première fois. » Mérargues se pencha. Il reconnut une petite feuille pliée en quatre qu'il avait cachée précieusement dans la poche de son portefeuille. Les soldats avaient dénoué le foulard qui enveloppait le linge et la paire de souliers, la pelote de fil, le couteau à virole, pointu comme un stylet que la mère avait empaqueté au départ. Tout était dispersé, roulé entre leurs doigts sales. Le sergent tenait la feuille ouverte. Mérargues ne s'occupa pas du reste. Il s'avança vers lui, blême de cette colère subite et folle du midi qui jette les hommes l'un contre l'autre. « Rendez-moi cela !» dit-il. « Ha ha ! » crièrent les autres en se détournant. « C'est lui, Mérargues. Paraît qu'il y tient à l'objet. » Il s'était précipité en avant, écartant les camarades qui entouraient la table, et, emporté par l'élan, avait saisi en l'air de l'autre côté le bras du sous-officier. « Rendez-le-moi !»« Doucement !» dit le sergent, qui, d'un tour de poignet, se dégagea. « Doucement, l'homme, nous allons régler l'affaire. Tu n'entends pas la plaisanterie à ce que je vois. »« Pas celle-là, » fit Mérargues, que deux soldats avaient saisi et maintenaient. « C'est lâche ce que vous faites !» « Tu dis ?»« Je dis que c'est lâche, » répondit Mérargues, les yeux fixés sur Bourrieux, dont l'épais visage s'empourprait. « Eh bien, d'abord, mon joli garçon, » dit le sergent, « je vais lire le billet pour amuser la chambrée. » Il prit la petite feuille ornée d'une guirlande peinte, un papier de fête acheté dans un village, et, avec de grands gestes que les soldats trouvaient drôles, jurant après chaque phrase, en guise de commentaire, il lut. Prière aux trois Saintes Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie Madeleine, la pécheresse, et l'autre Sainte Marie, toutes trois ensemble, ayez pitié des enfants de Provence qui s'en vont au loin, gardez-les de tout péril, ramenez-les au pays. Et au bas, à Jean Mérargues, pour qu'il la porte toujours sur son cœur et la dise chaque soir. Le Mas des Pierres, 1er avril 1795. Des huées accueillirent la lecture. Il semblait que tous ces hommes fussent pris d'une sorte d'émulation d'impiété dans ce milieu de la chambrée commune où le soldat n'est jamais tout à fait lui-même. Quand le concert d'apostrophes se fut calmé, Bourrieux replia le billet et le mit dans la poche de son habit. « Maintenant, dit-il, c'est moi qui le confisque, le billet. Ça n'a pas cours ici. Et pour t'apprendre à parler au chef, tu seras au rapport de demain matin, mon garçon, avec le motif. » Les camarades regardèrent, avec un peu de pitié cette fois, Mérargues, dont la colère était tombée et qui ne comprenait pas. « Emmenez-le, » dit Bourrieux. Deux hommes emmenèrent le conscrit. Mérargues passa la nuit dans une cabane qui servait de prison. Comme d'ordinaire, au rapport du lendemain, La punition fut changée en 8 jours de prison par le capitaine, qui était un soldat de fortune de l'ancien régiment de Picardie. Depuis lors, il y eut une inimitié établie entre le sergent et Mérargues. Elle prenait toutes les formes, celles surtout des petites vexations qu'un chef, particulièrement un sous-officier, peut infliger à ses hommes. Quand une corvée se présentait, Mérargues était désigné 3 fois sur 4 pour la faire. « Pas de chance, » disaient les camarades, qui n'avaient pas tardé à reconnaître que le Provençal valait autant qu'un Béarnais ou qu'un Limousin. Comme tout finit par se savoir, on avait deviné que la prière en guirlandais avait été donnée à Mérargues par une jeune fille du Mas des Pierres, voisin de la ferme du conscrit. Bourrieux en avait profité pour affubler le nouveau soldat d'un surnom féminin. Il l'appelait la Promise. À l'exercice, le sergent, qui se connaissait en beaux alignements, clignait l'œil gauche et gravement rectifiait les positions. « Numéro 3, ouvrez le pied droit. Numéro 4, effacez les épaules. Numéro 7, rentrez le ventre. Comment tenez-vous votre fusil, numéro 11 ? Est-ce que c'est un balai ?» Mais en passant devant Mérargues, si le lieutenant avait le dos tourné, il disait « Voyons, la Promise, n'aie donc pas l'air si bête. C'est pas dans la théorie. » Et il regardait, en se pinçant les lèvres, le gros rire silencieux qui courait sur les deux rangs de la section. Pour un bouton mal cousu, pour une tache sur la buffletterie, Mérargues était rabroué, tandis que d'autres, moins bien astiqués et moins bien tenus, défilaient sans recevoir la moindre observation sous l'œil partial du sergent. Pendant les marches, très dures pour un jeune soldat nullement accoutumé aux routes de montagne, Mérargues se sentait aussi constamment observé par Bourrieux, qui ne permettait pas aux hommes d'être fatigués, de trouver le sac lourd, le froid piquant ou le chemin difficile. Là-dessus, le sergent avait l'intolérance des gens robustes qui ne supportent pas qu'on se plaigne autour d'eux quand ils sont bien portants. Et s'il y avait un retard dans l'étape, il ne manquait jamais de dire « Que voulez-vous, avec des petites filles comme celles qu'on nous envoie maintenant ? Soyez donc exacts. » Cependant, Mérargues était un brave petit soldat, point bête, débrouillard même, et bon camarade. Après quelques semaines, il avait pris son parti de la caserne et fait des amitiés. Il eût donné cher pour rattraper l'injure qu'il avait dite au sergent le premier jour. Il s'appliquait, s'ingéniait à donner à son fusil ce que Bourrieux avait appelé devant lui le double poli des vieux grenadiers. Et il fut mort sur place plutôt que d'avouer la fatigue dans les promenades militaires. Mais les anciens gradés ne sont pas faciles à attendrir. Bourrieux ne désarmait pas. Les hommes disaient « Il est comme ça. Quand il a pris quelqu'un en grippe, ça ne change plus. » T'en as pour toute la campagne, mon pauvre gars. » Bah, on se fait à tout, et Mérargues ne pensait plus avec tant d'amertume à sa ferme de la Camargue. L'automne commençait. Le matin, quand on traversait les cours du fort, la terre était dure. Par-dessus les glacis, dans le cercle des montagnes, ça et là, les sapins se poudraient de blanc. Dans la journée, si la compagnie sortait, elle trouvait les chemins détrempés, le vent glacial et les marches se faisaient plus pénibles malgré l'habitude. Un matin, au réveil, le bruit courut qu'un détachement devait se rendre sur un col des Alpes où passait la ligne frontière. Un col, c'est beaucoup dire. C'est plutôt, à une altitude si élevée que l'ascension ne peut se tenter que par les beaux jours, une coupure dans les rocs dressés en aiguille et presque toujours voilée de nuages. Les soldats, qui ont une géographie à eux, nommaient cet endroit la rencontre, parce que plusieurs fois il leur était arrivé de rencontrer là des compagnies piémontaises venues de l'autre côté de la frontière. Leur amour-propre, les rivalités aiguës des troupes de même arme appartenant à deux nations voisines et sûres d'une guerre prochaine, faisaient de ces occasions des événements dont on parlait, auxquels on se préparait. Les chefs se saluaient de chaque côté de la frontière, avec une courtoisie réservée de généraux d'armée. Il venait au lieutenant des mots de couleur héroïque. Aucun n'aurait voulu s'asseoir. Malgré la lassitude, il ne cessait d'inspecter la formation des faisceaux, causait avec le soldat, veillait à la distribution des vivres et lorgnait complaisamment les hauteurs et les vallées, en homme qui ne perdent pas une occasion d'étudier le terrain. Les soldats, eux, quand les officiers laissaient faire, et malgré les perpétuelles fanfaronnades à l'adresse du voisin, ne tardait pas à lier connaissance. Il y a quelque chose qui rapproche les soldats de toute race, même à la veille des batailles. On riait des patois étranges qu'inventaient les Français pour se faire comprendre des Italiens, et les Italiens pour se faire comprendre des Français. Quelquefois, une gourde passait la frontière et revenait accompagnée de « grazie tante » ou de « merci ». Casque d'un côté, bonnets à poil de l'autre se rapprochaient et semblaient de loin composer une même foule. Pourtant, ils ne se mêlaient pas. Les soldats ne mettaient pas le pied sur le territoire étranger. Leur camaraderie demeurait superficielle. Les caporaux et les sergents restaient à l'écart. Les officiers ne déridaient pas tout le temps de la halte. Et quand sonnait le départ, l'entrain des hommes à courir au faisceau, la correction voulue de leurs mouvements, l'attitude martiale que les moins chauvins se donnaient, l'éclat inusité des commandements, tout, jusqu'à l'accent provocateur des clairons, le pavillon tourné vers la frontière disait « Si la guerre éclate demain, avec quel plaisir nous échangerons des balles ?» Comme il y avait à peu près égale distance entre les forts où les hommes des deux nations étaient cantonnés et le col de la rencontre, c'était une déception et comme une blessure d'orgueil pour celui des deux détachements qui arrivait le second. Deux fois de suite, les Français avaient trouvé les Piémontais faisant bouillir la soupe. Une revanche s'imposait. « Dépêchons, » dit Bourrieux, un matin, en pénétrant dans la chambre où s'agitaient des bras et des jambes en filant des vêtements bleus. « Nous sommes commandés décidément pour la rencontre. J'espère que nous allons enfoncer les macaronis s'il leur prend la fantaisie d'y venir. » En peu de minutes, les sacs furent bouclés, sanglés, les fusils enlevés du râtelier, et une cinquantaine de soldats s'alignèrent dans la cour, attendant le lieutenant. Il faisait très froid. Les nuages gris, rayés de blanc pâle, semblaient immobiles. On sentait, les hommes se taisant, que le silence s'était encore accru autour du fort, comme il arrive dans les temps de neige. Et, en effet, des volontaires relevés de garde venaient de raconter que tous les sommets, à moins de 100 mètres au-dessus des cantonnements, étaient couverts de neige. L'officier, debout sur le talus dominant le gouffre de la vallée, observait l'horizon. On voyait sa silhouette svelte et cambrée se dessiner sur le bas du ciel. Il descendit en courant, s'enfonça dans une tranchée et reparut le teint animé. « Je crois, ma parole, que les voisins vont faire aussi une reconnaissance. Il y a déjà une colonne partie sur la gauche. En avant !» Et les jambes nerveuses des grenadiers, tendant les guêtres blanches, commencèrent à monter la pente. Les hommes étaient de belle humeur. Le froid les stimulait à marcher et aussi le désir de devancer les soldats de l'autre pays. « Nous allons leur jouer le tour, » disaient-ils. « Pourvu que la neige soit aussi tombée de leur côté, » répondaient quelques-uns. Bourrieux déclarait qu'au train dont on marchait l'affaire était sûre et que la neige ou rien, c'était la même chose pour un grenadier. « Il n'y a que les petites filles pour avoir peur de la neige, » concluait-il en regardant Ménargues. À peu de distance du fort, la route se trouvait semée de plaques blanches, espacées, très minces, et dont le vent avait strié la surface de milliers de petites raies, comme un passage de flèches. Le lieutenant allait devant et causait avec l'adjudant. Ses hautes jambes avaient une régularité d'allure mécanique. La troupe, derrière lui, ondulait sur le terrain pierreux. Un plateau accidenté, bordé de formidables murailles, et devant lesquels se dressait l'aiguille dentelée du col de la rencontre. Au-dessus des rangs flottait, au bout d'un fusil, le guidon du bataillon. Bientôt, la couche blanche devint continue. Le pied glissait sur les éclats de roche. L'air plus rare, la neige moulée sur le soulier et soulevée avec lui, rendait la marche plus rude. Les nuques hâlées des hommes se gonflaient de sang. Les conscrits d'un coup d'épaule essayaient de redresser le sac mal assujetti. Les vieux eux-mêmes commençaient à lever les yeux vers la déchirure de la frontière avec cette sorte d'inquiétude de ne pouvoir atteindre le but que connaissaient les voyageurs. Personne ne faiblissait. Ménargues, qui avait de la voix et de la mesure, chantait un air de caserne que ses camarades reprenaient en chœur. « Nous arriverons, » disait l'officier. Le détachement arriva, en effet, un peu avant 10 heures du matin au col de la rencontre. Mais les Piémontais l'avaient encore une fois devancé. une compagnie entière barrait la frontière d'une ligne de faisceaux qui luisait sur la neige. Les Français étaient furieux. Le lieutenant tançait les sous-officiers qui n'avaient pas su, disait-il, faire lever leurs hommes. Les sous-officiers grognaient les soldats. Bourrieux demandait qu'on lui permît, une autre fois, de choisir une section de vrais marcheurs, rien que des montagnards, pour les mener à la rencontre. Tous auraient voulu trouver une démonstration quelconque, une vengeance à tirer de cette humiliation répétée pour la troisième fois. Il n'y avait rien de mieux à faire que de manger le pain apporté de la redoute. Les hommes déposèrent le sac et s'installèrent, par petits groupes, sur les arêtes de rochers qui crevaient par plaques noires le grand linceul blanc. Pas un ne fraternisa avec les pieds montés. L'officier avait recommandé la halte à 200 mètres de la frontière. Entre les deux détachements s'étendait un espace immaculé que pas un pied humain n'avait foulé et qui montait jusqu'à la frontière. Au-delà, le sol déclinait sur le versant italien et l'on apercevait guère, de la compagnie rivale, que la pointe des baïonnettes croisées, les casques à revers gris et le capitaine assis sur un bloc de moraine. Le vent glacé soufflait de l'Italie, et des deux côtés de l'étroit défilé, encombré de pierres d'éboulement, les deux murailles se dressaient. Deux tranches de marbre nu, veinées de noir et de jaune, sans une saillie, sans un arbre. Par-dessus, une couche épaisse de neige couvrait les pentes, qui formaient comme un toit aigu de 300 mètres de hauteur. Personne n'avait jamais entrepris de monter jusqu'au pignon. Les chamois s'y montraient quelquefois, gros comme des mulots, flairaient l'abîme et disparaissaient au galop. Les haltes n'avaient rien de réjouissant dans ce couloir de montagne, mais les soldats avaient besoin de repos. Les ordres donnés au lieutenant disaient 1 heure et demie de halte. La moitié du temps fixé s'était écoulée. Bourrieux, en réunissant la section qu'il commandait, demanda « Où est Mérargues ?» Personne ne répondit. « Où est Mérargues ?» répéta le sergent. « Est-ce qu'il a passé à l'ennemi ?» Quelques-uns détournèrent la tête en riant. Un d'eux la leva et poussa un cri en désignant la muraille de droite. Tout le monde regarda. Au sommet de la montagne, sur la neige, on distinguait la silhouette d'un homme. Il avait dépassé l'arête médiane et se tenait debout au bord du précipice du côté piémontais. Au-dessus de sa tête, il brandissait un fusil qui paraissait ténu comme un fil et qui se détachait en plein ciel, terminé par un petit drapeau. « Le guide du bataillon !» dit Bourrieux. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Des interrogations se croisaient, d'un groupe à l'autre. Bientôt, elles se fondirent en un cri qui monta vers la cime blanche. « Bravo, bravo !» Le soldat, là-haut, entendant la voix de ceux de la France, agitait le guidon tricolore en demi-cercle au-dessus de sa tête. « Abbasso il Frances !» criaient les piémontais. « Abbasso !» Ils tendaient les poings vers cette minuscule silhouette qui les narguait sur un coin de neige à eux. Et l'on vit leur capitaine s'avancer vers le lieutenant français pour demander des explications. Pendant qu'il causait, l'homme disparut. On ne s'occupait plus que de lui. Les injonctions des sergents n'étaient plus écoutées. Une sorte de fièvre avait saisi les hommes. La joie d'une revanche accomplie. Ils s'interrogeaient. « Qui est-ce ? » ?»« Mérargues. » »« Le conscrit, le provençal. » »« Oui donc, il a pris le guidon. Personne ne l'a vu. » »« Il est monté seul. » »« Oui. » »« Par où ?» Sans savoir, il doit avoir de la neige aussi haut que lui. Un luron, pour sûr. Et les autres qui l'appelaient petite fille. C'est tout de même joli, disait Bourrieux. Je n'aurais pas cru cela de la promise. Les soldats de l'autre bord ne sont pas contents. Il était content, lui, ému d'orgueil pour sa section. Il mesurait de l'œil la formidable montée qu'il avait fallu gravir. Il pensait à l'audace de ce coup de tête. « Fier toupet, conclut-il, il va être puni. Eh bien, vrai, je voudrais la faire, sa punition. »« Oh, ça ne sera pas grave, » répondit un homme. Une demi-heure plus tard, les piémontais étaient partis, de peur d'un conflit possible et sur la promesse du lieutenant que le soldat serait puni. Du côté français, on attendait Mérargues, mon vieux grand-père, car c'était lui. Il arriva, étourdi par le froid, mouillé par la neige jusqu'à la ceinture, embarrassé d'avoir à se présenter devant ses chefs, maintenant que son idée folle avait eu trop de succès. Il avait toujours le guidon au bout de son fusil. L'officier se porta vivement vers lui et arracha le drapeau. « Qui vous a permis de monter là-haut et d'emporter ceci ? » demanda-t-il. Merargue ne répondit pas. « Vous serez signalé demain au général. Avec des gaillards de votre espèce, nous aurions la guerre avant que la République ne l'ait voulu. » Il levait son cou maigre, tout le corps raide et sanglé, les yeux seuls baissés vers le soldat qui semblait tout petit près de lui. Mais, quand Merargue se fut éloigné, à peu près indifférente à cette fin prévue de l'aventure, le lieutenant se dérida, et les hommes les plus proches l'entendirent qui murmuraient. Un brave, tout de même. Il donna de suite l'ordre du départ, car le temps réglementaire de la halte était dépassé, et les nuages, fondus en une seule masse grise, s'abaissaient rapidement. Au tiers du retour, la neige recommença à tomber. La descente des montagnes est plus rude encore que la montée. Les soldats trébuchaient, fatigués par une marche déjà longue, par les flocons que le vent leur soufflait au visage, enfonçant jusqu'aux jarrets dans la couche molle qui s'épaississait sans bruit. L'officier, craignant une tempête comme les jours d'automne en amènent souvent, faisait presser le pas. Ils allaient deux ou trois de front, en longue file, et derrière eux, en une minute, le chemin redevenait uni, sans une trace de leur passage. Ils ne chantaient plus et se parlaient à peine pour se prévenir quand l'un d'eux, du bout du pied, heurtait une pierre invisible. Bourrieux s'était mis derrière Merargue, en dehors du rang, sur la gauche. Il allait, une main dans son habit, le fusil à la bretelle, insouciant de la neige qui doublait ses fortes moustaches d'un ourlet blanc. De temps en temps, il regardait le Provençal, auquel ses vêtements, raidis par la glace, gelaient sur le corps. Le voyant pâlir, il lui tapa sur l'épaule. « Est-ce que tu n'as pas mangé, Merargue ?»« Non, sergent. »« Tiens, bois un coup de rhum, ça te remettra. Tu n'es pas tout rose, tu sais. » Sans s'arrêter, l'homme but au bidon de Bourrieux, tandis que les camarades échangeaient un coup d'œil d'étonnement. Car ce n'était pas un fait ordinaire de boire le rhum du sergent. La descente continua, silencieuse, sous la neige exaspérante. On tournait une arête de montagne, puis une autre, indéfiniment, avec un précipice d'un côté, des nuages lourds au-dessus de la tête, et cette impression singulière, quand on ouvrait les yeux d'un grand écran couleur de fumée cachant tout le ciel, tout l'horizon très voisin de soi, et devant lequel tombait la neige en tourbillons aveuglants. Les soldats n'avaient qu'une pensée qui les soutenait, gagner le fortin, ou au moins retrouver la route carrossable établie pour l'artillerie et où la marche serait moins fatigante. Il s'en fallait de plus d'un kilomètre encore que le sentier déboucha sur la route. Le détachement traversait un espace libre entre deux bouquets de sapins et qui était une prairie pendant la belle saison. Tout à coup, les soldats qui marchaient à côté de Bourrieux s'écartèrent d'un bond. Un homme roulait à terre devant eux avec un bruit d'acier heurté et demeurait immobile, la face dans la neige. « Merargue ! » dirent-ils. Le sous-officier le prit par le bras. « Allons, dit-il, ça n'est rien, levons-nous. » Mais il aperçut, en le soulevant, le visage de Merargue, raidi par le froid et pâle comme la neige, et comprit que c'était grave. Le lieutenant accourut, considéra le petit soldat, lui frappa dans les mains, le secoua, l'appela, et n'obtenant pas de réponse, ni le moindre signe de connaissance, haussa les épaules. « Je ne peux pourtant pas l'attendre une seconde fois, celui-là. Il fait un temps de chien. Où le mettre, ce Merargue ?»« Mon lieutenant, dit un clairon venu à l'aventure, il y a une cabane. »« Où cela ?»« Au bout des sapins. » Le lieutenant se détourna vers le sergent. « Bourrieux, dit-il, prenez le clairon avec vous et conduisez Merargue à la cabane. Vous ferez du feu. »« Oui, mon lieutenant. Et si vous n'êtes pas rentré à 6 heures, j'enverrai le médecin et une civière. » Le détachement disparut au tournant de la pente. Bourrieux et le soldat prirent Merargue par les épaules et par les pieds et montèrent en diagonale vers l'extrémité du bois de sapin. Au milieu de la petite vallée, la neige s'était amassée. Ils s'enfoncèrent comme dans une rivière qu'on passe à gué, gagnèrent le versant opposé, et bientôt les derniers arbres qui penchaient leurs branches jusqu'au sol. La cabane était là, un abri de berger composé de 4 murs de terre coiffés d'un toit de bruyère. Ils poussèrent la porte, et sur un reste de paille entassé à gauche et retenu par 2 planches, le lit du propriétaire, ils déposèrent Mérargues. Le clairon courut aussitôt chercher du bois mort dans la sapinière, pendant que Bourrieux rapprochait, sur la pierre servant de foyer, des tisons que le vent avait pelés de leurs cendres et des bras de bruyère et de paille épars çà et là. Il y mit le feu hâtivement et revint à Mérargues. Toujours d'une pâleur de mort, le pauvre petit soldat, toujours la même figure serrée dans l'invisible étau du froid qui l'avait saisi. Il avait la tête appuyée au mur, tout près de la porte, et les pieds vers le feu, qui fumait un peu et ne flambait pas. Le sergent déboutonna le gilet, enleva le baudrier, et, avec un peu de rhum versé dans le creux de la main, commença à frotter les tempes et les joues de Mérargues. Bien qu'il fût dur au mal pour les autres et pour lui-même, habitué aux accidents de montagne, peu expansif de sa nature, cela lui faisait quelque chose de se savoir seul dans cette cabane, courbé au-dessus de cet homme qui, depuis 20 minutes, ne remuait plus. Surtout, il se reprochait de l'avoir méconnu, taquiné plus que de raison, et d'être cause au fond de cette imprudence folle. Car, si on ne l'avait pas appelé petite fille, gringalet et le reste, il n'aurait pas eu l'idée, le pauvre garçon, d'aller planter le guidon français à 300 mètres en l'air, dans la neige et l'air glacé. « Faut être brave tout de même, » murmurait Bourrieux. Ce que ça faisait plaisir de le voir là-haut, les bras en l'air, et tous les pieds montés furieux, criant comme des perdus. Et il frottait plus dur les tempes, les joues, essayait de desserrer les dents du malade, appuyait en mesure sur la poitrine qui ne respirait pas. À la longue, il se sentit pris de peur. Ce n'était pas un évanouissement ordinaire. Et que faire de plus pourtant? Il était seul. De grosses larmes lui montèrent aux yeux, et il se leva pour aller chercher le clairon. Au moins, ils seraient deux à partager la responsabilité, deux à certifier qu'ils avaient tout fait pour sauver Mérargues. Le soldat rentrait dans une trombe de vent et de neige qui s'abattit sur le lit. Il rapportait quelques branches mortes de sapin. « Jette vite sur le feu, » dit le sergent. « Il gèle autant que dehors, ici. »« Toujours pas bouger ?» demanda l'homme. « Non, jette vite. » Tous deux disposèrent les branches au-dessus des tisons et, couchés sur le sol, se mirent à souffler pour hâter la flamme. Une grande fumée s'éleva, qui remplit la cabane, puis une flambée ardente léchant le mur jusqu'à la moitié de sa hauteur. « Ne t'ennuie pas de souffler, » dit le sergent. « Moi, je vais l'approcher. » Il se leva, leste, ravivé par la chaleur, saisit Mérargues sous les genoux et sous les reins, comme un enfant, et l'étendit devant le foyer. « C'est que, » dit le clairon, « s'il est gelé, tu vas le tuer. »« J'ai fait tout le reste, » dit Bourrieux, « et tu vois... » Le corps du soldat était raide. Pas une plaque rose ne revenait aux joues. Le clairon souleva une des paupières. L'œil était renversé en arrière et fixe. « J'ai peur, » grommela le soldat, « que le pauvre ne soit... »« Tais-toi !» interrompit Bourrieux. « Ce n'est pas possible. Non, pas possible. » Il prenait les mains de Mérargues, les présentait à la flamme. « Je crois qu'il se réchauffe, » disait-il. Le clairon tâtait, puis hochait la tête. « C'est le feu, sergent. » La fente par-dessous la porte hurlait comme la gueule d'une bête. Il commençait à faire noir, à cause de la tempête et de l'heure. Les deux hommes à genoux, ayant devant eux Mérargues, le maintenaient tantôt sur un côté, tantôt sur l'autre. La même angoisse les étreignait. Le sergent regarda dehors. « 4 heures environ, dit-il. Le médecin ne sera pas ici avant 2 heures. Sais-tu une prière, clairon ?» Le clairon leva les yeux, étonné. « J'ai oublié celle que je savais, dit-il. » « Moi, je n'en ai jamais su, » fit Bourrieux. « Ça serait pourtant l'occasion. » Il fit un geste de découragement. Puis, comme s'il se rappelait subitement quelque chose, il fouilla dans la poche de son habit à la française. Sa physionomie s'illumina. Il retira un papier plié en quatre, usé au coin, froissé partout. « En voilà une, dit-il. Comme ça se trouve, c'est la sienne. » Et aussitôt, le sergent commença, de sa grosse voix bourrue qui épelait les mots, « Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse, et l'autre Sainte Marie, toutes trois ensemble. Ayez pitié des enfants de Provence qui s'en vont au loin. Gardez-les de tout péril. Ramenez-les au pays. » « Ainsi soit-il, dit le clairon. « Je crois, ajouta Bourrieux, que j'aurais fait pour celui-là tout ce qu'on peut faire, même des choses dont je n'ai pas l'habitude. « Oh oui, alors. » « C'est que, vois-tu, conclut Bourrieux, Mérargues, à présent, c'est comme mon enfant. » Ils se remirent à frictionner le malade, découvrant sa poitrine, écoutant le cœur qui ne donnait aucun battement. Au bout d'une demi-heure, le clairon poussa un cri. Mérargues ouvrait les yeux. Il n'avait pas de regard, il restait livide, mais on le sentait sauvé. « Bois, bois, mon petit !» fit le sergent en présentant sa gourde aux lèvres serrées de Mérargues. « Tiens, j'ai du pain, » dit le clairon, courant à un sac. « Prends, Mérargues. » Il s'étonnait naïvement que le grenadier ne pût encore ni boire ni manger, puisqu'il vivait. Cependant, quelques gouttes de rhum passèrent bientôt, puis une gorgée. Puis, le petit Provençal fut secoué d'un grand tremblement. Il prit un peu de pain, il se releva tout seul, il parla. Vers 5h30, comme le jour diminuait rapidement, Mérargues demanda lui-même à partir. « Mieux vaut essayer de rentrer que de passer la nuit ici, » dit-il. Et il sortit, soutenu par le sergent et par le clairon. La tempête s'était un peu apaisée. La neige tombait encore. La descente fut pénible et l'on dut s'arrêter souvent, sans savoir si on repartirait. Mais c'était le retour, la caserne chauffée, l'abri, les compagnons, la vie assurée. Ils se relevèrent à chaque fois. Bourrieux se montrait doux, attentif, comme il n'avait jamais été avec Mérargues. Au moment où le dernier détour de la route allait les amener en vue du fort, il serra la main du petit soldat qu'il tenait dans la sienne. « Écoute, Mérargues. »« Oui, sergent, » répondit une voix faible. « Je ne t'appellerai plus petite fille. »« Non, sergent. Ni la promise, ni rien. Tu es un brave. »« Oh, sergent. Et tu es mon ami à la vie. Tu m'as fait honneur, mon petit grenadier. À notre entrée en Piémont, tu pourras piller. » « Oh ! Tuer, voler, faire les 100 coups, je ne te dirai rien, tu es mon ami !» Il devait pleurer, car il s'essuya les yeux du revers de sa manche, tandis que, du fort prochain, un groupe de soldats levait les bras et criait « Les voilà ! Les voilà !»